Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Eh oui, on va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Alors à ma droite, le Jurassic Park des ondes. Salut les filles. Le Triceratops de la FM. Ah ouais. Maintenant que tu connais. Terra Nova des ondes. Le Terra Nova des ondes. Non, Philippe, lui, c'est une autre série, c'est le Terra Vieilla. Bob du club. Ah, salut les filles. Bravo. Bravo. Il est autant visité que la Tour Eiffel, enfin il paraît. C'est Maurice. Salut à tous. Et comme la Tour Eiffel, la base est large. Mais moins raide. Face à eux, un permanent de l'équipe dont on attend le grand retour sur scène. Oui. Mais ça arrivera bien un jour ou l'autre quand même. Écoute, un jour ou l'autre. Par hasard, Frédéric Costet. Ah oui, bravo. Bravo. Bravo. Bravo Fred. Mission sera réalisée comme chaque semaine par Davy, quand même, il faut le dire. On s'excuse, mais animé par Philippe Bello. Ah bah ça va forcément être bien alors. Philippe Bello qui est la réincarnation de Rosy Vart. C'est vrai. D'ailleurs c'est ce soir on va t'appeler Mme Maggie. Si vous voulez, ça peut vous faire plaisir. Alors tu nous as amené un invité, mais un habitué. Un habitué, je vais le dire. Il a été le deuxième invité d'On va se marrer. Ah ouais? De la nouvelle version. De la nouvelle version dont on va se marrer. Mm-hmm. C'est Guillaume Meurice. Non, Maurice, je t'appelle pas. J'ai pas dit Maurice, j'ai dit Meurice. Ah oui, j'avais comme bien l'hôtel. Compris. Donc, on va te reposer la question. T'es de la famille De l'hôtel. Non. De Maurice? Oui. Non. Pas d'insulte. Oui, c'est vrai que la famille de Jean-Michel Meurice. Qui est ton père, nous. Ouais. D'accord. Très connu. En direct filiation. Très connu. En région, région plutôt Bourgogne. Quoi. Ah, Bourgogne. La Bourgogne, Maurice. Tu connais bien la Bourgogne, Maurice. Tu pourrais nous en parler de la Bourgogne un peu. Je ne suis pas bourguignon. Mais qu'est-ce que tu vas foutre en Bourgogne tous les week-ends? C'est pour voir mes vignes s'ils poussent. Donc Guillaume, viens nous voir. Oui. Enfin, viens nous revoir. Et viens nous revoir. Parce que je vous aime beaucoup. Ah, parce que je vous trouve formidable. Oh non. Parce que tu viens nous voir pour un nouveau spectacle. Bon. Quasiment. Quasiment. Sauf que pas tout à fait. Voilà. Ça s'appelle toujours Tout le monde y passe. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de changements quand même. Nouvelle version avec des nouveaux sketchs. J'ai eu la chance d'être invité à voir le spectacle la semaine dernière. Ah, il a reçu son petit carton. Oui. Mm-hmm. J'étais très fier. T'as vu un peu? On a mis les moyens sur les cartons d'invitation. Au moins sur les cartons. Alors Guillaume, il faut le dire, il est au théâtre de 10h tous les mercredis à 21h30. Théâtre de 10h à Paris, bien sûr. Bah, j'ai pas mal de dates en province aussi, mais essentiellement à Paris. Là, c'était au théâtre de 10h, le showcase, qui était plein à craquer. J'étais à côté d'une personnalité qui a beaucoup apprécié le spectacle. Ah, je sens que tu vas dire du mal. Ah, pas du tout. D'un animateur de chez Ruquier. Pas du tout. Alors non. Alors là, moi, dire du mal de Gérard Miller. Merde, on l'a dit. Tu l'as dit. Non, mais après, tu m'as dit qu'il t'a fait des qu'est-ce qu'il t'a fait? Oui, plutôt sympathique. Ouais. Oui, parce que c'était un choquet et il y avait du people. Il y avait du people, attention. On fait pas les choses à moitié. Pour ça, tu y étais. Bah, tiens, il y avait Frédéric Costet. C'est exactement ce que m'a dit. C'est vrai. Il y avait des VIP. Ah ouais, tu n'étais pas invité, Maurice? Non. Non, pas des très VIP. Alors, ce spectacle, il faut quand même rappeler aux auditeurs de quoi ça parle. Bah, les auditeurs connaissent. Ne regarde pas, c'est lui, c'est son spectacle à lui. De quoi ça parle? Alors, il y a une trame. Alors, c'est six personnages. Et il y a une trame qui est la suivante. En fait, c'est Dieu qui a créé le monde donc, en six jours. Il est parti se reposer le septième et il ne s'est pas réveillé. Ah. Donc, en fait, il se réveille sur scène. Et il ouvre le journal, il écoute la radio et il découvre le bordel. Ah. Donc voilà, ça donne matière à une galerie de six personnages. Et alors, est-ce que c'est comme on l'avait vu précédemment? Il y a aussi des costumes, tu continues à te déguiser un petit peu. Incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est mon péché mignon. Ouais, mais je lui ai mis un petit mot sur Facebook après avoir vu le spectacle. Je lui ai dit que c'était le Frégoli de l'humour. Parce que les changements de costumes sont hyper rapides. Et c'est très impressionnant. J'aimerais ressembler au prince charmant que tu joues dans Il y a du boulot. Un aspect du prince. Oui, on vous laissera découvrir ça. Moi, je me permets quand même de dire qu'on avait vu un spectacle, tu l'avais peut-être vu avec Frédéric Coster, qui s'appelait La Partouze, dans lequel c'était quand même un peu le prince charmant. Oui. C'est-à-dire à un moment, il était en cycliste. Oui, c'est-à-dire que je faisais et le prince charmant et le pendant en même temps. Voilà. C'est un cycliste, ce truc-là. Ça s'appelle comme ça, non? Un body cycliste? Oui, c'est ça, un truc de cycliste. Voilà. Donc c'était très très impressionnant. Ça faisait un peu vitrine de charcuterie. Très impressionnant. Ça faisait vitrine de charcuterie un petit peu, mais c'était très. Quand même. Ah, j'ai raté ça. Ah oui, oui. Non, mais le meilleur moment. Il y a des photos. Hein, y a ah des voilà, photos. Voilà. Oui. Le meilleur moment, c'est quand une spectatrice au premier rang, quand je me retrouve en cycliste, ça fait quelle horreur. C'est agréable. Donc, alors, si on veut en savoir plus, et bien entendu, notamment les dates et en province, ton site internet n'a pas bougé ? Non, guillaumemeurice.fr, tout simplement. Oh, c'est fabuleux. Ça, tu peux au moins le noter, Maurice, quand même. guillaumemeurice.fr. Voilà, bah, note-le parce que dans 5 minutes, tu vas plus on t'en souvenir. Réclamer, oui, tout à l'heure. Alors, l'émission, elle non plus, n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours, tu vas voir, des questions, il y a toujours des tournées de blagues, ouais, des blagues envoyées par des auditeurs à Maurice. Qui les raconte sans filet. Je me souviens, ouais. Oui, oui, mais ça, ça n'a pas changé. Je suis venu quasiment que pour ça. Hein. Ah bah, là, tu vas pas regretter parce qu'il en a répété une en montant tout à l'heure. Non. Et il y a des épreuves. Mais cette émission est toujours une épreuve. Et la première épreuve, c'est toujours la même, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, généralement, ils se marrent à ce moment-là, vous formez deux équipes. Ah. Oui. Et oui, et pour que les auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission ce qui se passe, eh bien, il faut donner un nom aux deux équipes. Donc, je vous propose, si vous avez une idée pour baptiser l'équipe de Bob et Maurice. Je crois que Guillaume avait une idée. Ouais, on s'est concerté, en fait, avec Frédéric. Oui. Et on pensait que les Nadine Morano Band peut être pas mal. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on sait que c'est des aficionados de Nadine Morano. Ah, elle prend cher dans ton spectacle. Ouais, j'aime beaucoup Nadine Morano. Alors, c'est Nadine Morano Band. Alors, les Nadine Morano Band, est-ce que vous avez une idée pour l'équipe de Fred et Guillaume ? Les Bad Boys. Les quoi ? Les Bad Boys. Ah, t'entends toujours pas mieux, toi. Ouais. Non, mais si tu mets ton casque que sur une oreille, Philippe, c'est normal. Oui, mais c'est la seule dans laquelle j'entends. L'autre, elle ne fonctionne plus. L'autre, elle est sèche. Ouais, donc, pour la première question et donc le premier point de la soirée, attention, voici cette première question. Stop. On écoute la réponse, Maurice. Pourquoi tu dis stop ? Non, je croyais qu'il fallait. Oui. La première question, quelle est la thèse défendue dans le Da Vinci Code ? Comme quoi Jésus a eu une fille. Oui. Et a été marié. Oui. Une fille avec qui ? Avec Marie-Madeleine. Il s'est marié avec Marie-Madeleine, oui. Oui, mais la thèse, c'est ça. C'est qu'effectivement, il a eu une fille avec Marie-Madeleine. Un point pour les Bad Boys. Ah, ouais. Bravo, Bob. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris le film. Bravo, Frédéric Coster. Et cette fille, c'est Audrey Tautou. Oui. On peut le révéler. Comme quoi, des fois, il y en a qui n'ont pas de bonnes. Ah. T'as pas aimé le film, toi ? Non, j'ai pas aimé le livre non plus. Donc, Moi, j'ai bien aimé les deux. Donc, voilà. Match nul, la balle au centre. Voilà. Donc, Maurice, comme on l'a dit tout à l'heure, a une boîte e-mail. radio.ovsm@gmail.com. Et je crois que Lydie t'a envoyé une blague de chat. Mais non. Pourquoi c'est deux chats qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre. On se ressemble, non ? On est fait l'un pour l'autre. Oh ! Il est pas bon. Merci Frédéric. Il aurait pu la Tu l'avais déjà raconté, Maurice. Effectivement, je crois qu'il il l'avait déjà foiré la première fois. C'est deux chats qui discutent l'un dit à l'autre. Alors, deux chats. T'es mal poli, tu devrais t'adresser à Christine. À Christine et à Alice, bien sûr, qu'ils sont venus à deux. Voilà, alors vas-y. À deux. Alice et Christine, ou Christine et Alice, comme vous voulez. Oui. C'est deux chats qui discutent l'un dit à l'autre. On est fait l'un pour l'autre. C'est con. Hein. Tu l'as comprise au moins ou pas ? Moi, j'ai pas compris. Hein. On est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Non, pas on est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. N'applaudis pas, ça l'encourage. Non, mais merde, à quel moment faut le mettre par la fenêtre ? Non, faut le garder. Ah oui. C'est lui la star de l'émission. C'est vrai. Alors, c'est pas tout ça, mais on va voir si on est capable de faire mieux que Maurice. Ah. Car juste après cette courte pause, ça sera la première tournée de blagues. Ah. Donc, restez avec nous, on revient avec Guillaume Meurice. Oui. Retourne, on va se marrer avec Guillaume Meurice. Oui. À actuellement au théâtre de 10h tous les mercredis à 21h30. Et en province. Allez, vas-y. Alors, c'est guillaumemeurice.fr. Très bien. Et la page Facebook ? Facebook. Et la page Facebook, c'est quoi ? Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est pareil. Non, Guillaume. Guillaume Meurice. Voilà. Donc, chaque semaine, Frédéric nous prépare son petit quiz. Et oui. Et donc, 8 extraits de chansons. Il faut découvrir l'interprète. Alors, je le dis pour Bob, comme d'habitude, il y en a des très faciles. Il y en a 8. Il y en a des un peu moins faciles. Il y en a que tu trouveras pas, cherche pas. Ah, merci. Et j'essaye de faire chaque semaine, si je le peux, un quiz en rapport avec notre invité. Le personnage de Guillaume que l'on connaît, qu'on a vu sur Internet, etc., c'est la mort. Oui. Donc, c'est un quiz en relation avec la mort. Il y a 8 chanteurs et chanteuses à découvrir. Qui chantent la mort. Qui chantent, qui parlent de la mort dans leurs chansons. Mais ils sont pas tous morts. Pas tous. Pas tous. Bob, le premier extrait, tu le connais déjà. Ah bon ? Oui. Maurice. Ah oui, c'est le jingle. Ah mais c'est le jingle. Allez, on note. Il est mort. Il est mort, le soleil. Où s'en vont ? Où s'en vont ? Tous ces potes qu'on aime, nos certaines affections. Tout bas, une infirmière lui dit, tu n'as plus de maman. Et le gamin, s'agenouillant, dit devant le petit lit blanc, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Comme je me sens mal dans ma peau toute ridée, on peut dire que la vie m'a bien marqué. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé. Même à celle qui trahit, même à celui qui ment, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des cas où, mais même dans ces cas où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Qu'y a-t-il après, quand nos âmes ont disparu, quand nos cœurs ne battent plus près de ceux qu'on aime, si nos souvenirs se diluent dans l'infini. Alors moi, je pensais qu'il y en avait des très faciles. Oui. Et ceux que je pensais très faciles, j'ai vu Bob mais ramener. Le dernier, il chante en... On aurait dit Tony Estanguet. C'est un rameur. Enfin, un champion rameur de kayak. Alors Guillaume, t'en as trouvé combien ? Non, j'en ai trouvé, je ne sais pas combien, mais j'en ai écrit 6 sur 8. Ah, c'est bien. on va faire comme Maurice ? On la décompose. Ah bah oui, on la décompose. Oui. Et priorité à l'invité. Bien sûr. Oui, bien sûr. Maurice, le premier extrait. C'est le jingle. C'est l'extincteur, il a les... traumatisé. Attends, est-ce que pour celui-là, on peut laisser Bob ? Ben non, je sais qui c'est, mais... C'est pas Lara Fabian. Hein. Non, c'est pas Lara Fabian. Vas-y, Guillaume. Nicoletta ? Ah, oui. Ouais, ça, je pense que je me... Je sais pas, j'ai mis Fugain, mais ça doit pas. Bravo, être... Michel Fugain. Bah, j'ai mis Fréhel, mais. Non. Bert Silva. Bravo. Ouais. Ah, bah, ça, quand c'est de ton époque. Maurice, il a été. J'étais pas né. Ah, bah, Maurice, il est sorti avec Bert Silva. J'étais pas né. Maurice, il est sorti avec. Aujourd'hui, dimanche. Maman. Je vais mourir. Ouais. Le grand Jacques. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs à la paix. Alors, la suivante, si vous l'avez trouvée, je vous tire mon chapeau. C'est une québécoise, ouais. C'est pas la grosse, là. Moi, j'ai dit Fabienne Thibault, mais. Non, Diantel. Non, c'est celle. C'est qui vient de parler ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Diantel. C'est Diantel. C'est une québécoise. C'est l'extrait de son premier album en 77. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Pierre Bachelet. Alors, je crois que le suivant, personne ne l'a trouvé. Non, non, mais cherche pas, Bob. Tu ne connais pas, ça n'est pas du tout ta génération. Philippe, toi qui bosses dans les variétés. Non. Il ne faut pas souhaiter Manu Chao. Non. Ça n'est jamais assez. Julien Doré. Non. C'est Dominique A. Qu'y a-t-il après quand nos âmes ont disparu, quand nos cœurs ne battent plus près de la voix, mais je... la guitare. Aussi, j'ai la guitare moustaquée à chaque fois, ça le démange la guitare. Du Teil. Du Teil. Ah ouais. Ah oui, alors moi je pense quand même qu'on doit là immédiatement applaudir l'invité qui a quand même trouvé un paquet. Alors là c'est rare, non. Bravo, en général les invités ils en trouvent un ou deux. Donc bravo à l'invité. Comment? Pardon? Comment? Qu'est-ce les dents, oui. Oh. Et mes acclamations en bas. Ah j'ai oublié les acclamations de Don Saluste. Ah, oui. Viva Don Saluste. Ah, oui. Bravo. Viva Don Saluste. Eh hey, dites donc, oui. La grosse là-bas elle m'acclamait pas. Vous êtes sûr? Ah j'en suis sûr. Ah mais je croyais pourtant. Tout à fait sûr. Monsieur est beau. Merci. Alors, nous arrivons en fin de course. Comme Maurice. Et je dois dire que les Nadine Morano Band ont bien bandé cette semaine. Même. Puisque vous avez marqué 6 points. Bravo, bravo. Ça mérite. Ah non, ça mérite parce que c'est quand même bien joué. Mais vous avez malheureusement pour vous été écrasé par les Bad Boys. Puisqu'ils ont marqué 10 points. Donc, bravo. L'équipe de Frédéric et Guillaume Meurice remporte cette émission. Bravo. Ouais. Maurice, la promo. Alors, pour voir Guillaume Meurice, son adresse, c'est guillaumemeurice.fr. Et bien sûr, on note le théâtre de 10h tous les mercredis à 21h30. Le spectacle qui s'intitule Quoi oui, tout le monde. Tout le monde l'embrasse. L'embrasse, oui, bien sûr. Tout le monde y passe. T'as pas noté. Tout le monde y passe dans son spectacle. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde y passe, c'est la nouvelle version du spectacle. Ouais. Qu'on ira donc voir très prochainement chez vous. D'ailleurs, surveillez le site. Est-ce que tu acceptes des amis sur Facebook? Ah, très important. Alors, ça dépend de leur photo de profil. Ah, mais en règle générale, oui. Bah oui, t'as accepté Maurice. Justement, ça m'a intrigué. T'as pas vu sa dernière photo de profil. Il était nu, donc ça m'a intrigué. Bah merci à toi, merci à Guillaume Meurice. Ouais, ouais. On va remercier également Frédéric Coster. Bravo. Maurice. Ah, notre Maurice. Bob du club. Davy pour la réalisation. Des choses importantes qu'on devrait noter? Oui, je peux vous les dire. La première, c'est que l'émission est sur iTunes chaque semaine, le podcast. Donc abonnez-vous sur iTunes à On va se marrer. Si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez aller sur onvasemarrer.com pour avoir les anciennes émissions. Ou sur Mega Upload. On nous a coupé la chic. Et bien sûr, la page Facebook pour avoir toutes les infos et notamment la photo de l'émission qu'on va prendre. Liker la page. Oui. Elle va être incroyable cette photo. Merci de votre patience. À la prochaine fois. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Guillaume Meurice. Ouais. Actuellement au théâtre de 10h tous les mercredis à 21h30. Ouais. Prochainement chez vous dans votre région. C'est Guillaume Meurice. C'est Guillaume comment? Guillaume Meurice qui est avec nous ce soir. Tu le comprends au bout de trois quarts d'heure quand même. T'as une miette encore là. Oui. Alors justement, si vous voulez savoir quand Guillaume passe dans votre région, vous allez sur son site internet, Maurice. Guillaume Meurice, @... Non, non, non. Quoi? Ça, c'est une adresse email que tu donnes. Guillaume, c'est Guillaume... Meurice, Guillaume. Meurice. Meurice. Voilà. Meurice. Oui. Guillaume voilà. Meurice, .com. Mais non. Non, .fr. On t'a dit de le noter. .fr, mais... Note-le non, maintenant. Mais c'est pas possible. On ne reprend pas cette émission tant que tu ne l'as pas noté. Alors, la précédente version de ton spectacle, en fait, tu l'as joué combien de temps? Tu l'as joué vachement longtemps sur Paris Ça évolue beaucoup, mais depuis 2007. Ouais. J'ai commencé en novembre 2007. Et alors, est-ce que base, comme Sarko, donc. Oui, en même temps, c'est m'amuse un peu, ouais, c'est lui qui m'inspire. Oui, c'est t'amuse. Ouais. Mais à la base, il faut savoir que mon spectacle avait un autre titre assez rigolo, et qui n'était pas très rigolo sur le coup. Il s'appelait Annulé. Ah oui. Et du coup, c'était un très bon titre, sauf que ce n'était pas un très bon titre en fait. C'est-à-dire que les gens ne venaient pas en fait. Et ils voyaient Guillaume Meurice annulé, ils ne venaient pas. Et oui. Voilà, parce qu'à la base, la trame de mon spectacle, c'est un spectacle qui s'annulait, en fait. Donc artistiquement, ça tenait la route. Mais en termes de com, on m'a dit non, oublie. Ouais, bah, oui. Ben, c'est ça, oui. Donc, voilà. Ben, je me rappelle, à l'époque, nous, on avait fait une bande-annonce pour un concert de David et Jonathan. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah ouais. Réservez vite, on risque d'annuler. Oui. Oh, merde. C'est ça. Bon, ça n'avait pas marché non plus, la bande-annonce. Voilà, ouais, non. C'était pas vendeur. C'est des fausses bonnes idées, quoi. Ouais. Et alors, justement, alors. Mais par contre, excuse-moi, oui. Philippe, quand vous regardez, vous faites. Vous regardez, vous suivez. Si vous suivez Guillaume Meurice sur Facebook. Par exemple. Admettons. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas peur. Oui, c'est vrai qu'il a une page Facebook. Oui. Vous prenez une carte de France et vous tracez des traits avec toutes les villes où il joue. Oui, ça c'est le David Chicon un peu. Tu obtiens un signe cabalistique. Ah, ça fait un signe cabalistique. Il est tout le temps partout. Ah ouais. Oui, tu vois, à Lyon, je ne sais plus. C'est vrai, ouais, je voyais pas mal, jouer partout, ouais. C'est incroyable. Il est, le monde entier le demande. Et ce soir, oui. Enfin aujourd'hui, j'ai réservé. On l'a chez nous. Tu vois. Alors justement, moi, en fait, on est plusieurs en fait. Hein. Donc, vous avez un Guillaume Meurice, mais en fait, on est quatre. Ah, ce qui explique aussi. Ça explique aussi. Bah, oui, c'est un peu c'est comme multinational, en fait. Il y a une pièce comme ça à Paris là. C'est quoi le clan des divorcés où il y a en fait 50 distributions. Ouais, ça, et le même soir, t'as dans toute la France, t'as le clan des divorcés. Ouais, mais Maurice, c'est pareil. Il y en avait plusieurs, mais ouais. Les autres, si ils ont été noyés à la naissance. Oui. Hein, Guillaume, là, pour l'instant, c'est pas toi. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire. C'est un peu comme Ah, toi qui aimes bien la science-fiction, Bob, ça doit te plaire. Ah, ouais, j'aime bien. Ouais. Vous, je ne sais pas, mais moi, je commence à plus rien comprendre. Il est en espace-temps. Voilà, exactement. Alors, Maurice, pendant la, Maurice. Pendant la pause, j'ai tiré au hasard. Oh, ça fait des années que tu tires au hasard, mon pauvre Philippe. Deux cartes dans le boîtier du Trivial de 1985. C'est le même boîtier quand tu es venu la dernière fois. Toujours le même. L'URSS, tout ça. Exactement. Pour éviter toute contestation, je fais choisir toujours une carte à Bob, puisque tu le sais, il y a une carte par équipe, 6 questions par carte. Plus on répond à des questions, plus on marque 2 points. Alors, il y a des nouvelles règles par rapport Écoute bien, parce que nous-mêmes, on comprend pas. D'accord. C'est très simple. Si tu connais la réponse les dossiers à une question, de Pierre Bellemare. Ouais. Vous ne vous consultez pas. Il faut dire directement « cash » et donner la réponse. Et dans très ce bien. Cas-là, c'est 2 points. Ah ok, d'accord, je vois. Ah oui, eh oui c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Et si toutefois une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer un point. Bon là, il n'y a pas de cash puisqu'il y a déjà eu des consultations. Et après, on dit que c'est moi qui suis fatigué. Alors, pour éviter toute contestation, les consultations, on fait choisir toujours Bob. Oui, parce que Bob est très mauvais choix. Très, très mauvais. Pas du tout. Oui, alors, Bob, la carte numéro... Mais j'aime pas les jeux qui sont truqués. Alors, là, il n'y a pas de trucage. Ouais, je comprends. Là, c'est sans trucage. Tu as 2 cartes. Oui. La 1 ou la 2. Je vais prendre la 2 ce soir. Donc, la 2, c'est bien celle-ci. C'est celle-là. Donc, celle-là... Tu la gardes. Donc, on est d'accord. Celle-là, je la pose là. T'as qu'à leur montrer les réponses. Et celle-là. C'est vrai. Et donc, on commence bien sûr par l'équipe des Nadine Morano Band. T'es prête, maman ? Oui. Donc, Maurice et Bob, c'est parti. Allez. Quel est, selon la National Geographic Society, le fleuve le plus long du monde ? Ah oui, mais là, il y a un... Je pense que... D'après la National Geography Society. Ouais, c'est l'Amazon. Tu devrais demander... Cache Amazon. Non, je ne demande pas. Non. Oh, non. Pourquoi tu demandes Bah Maurice a fait... Je ne suis pas fâché après Maurice. Non, mais il fait des croisières et tout ça souvent. Ah oui, non, ça coule. Mais la dernière fois, ça a mal fini. Je suis rentré à la nage. La dernière fois, c'était Guillaume, le capitaine, déguisé. Alors, donc tu me dis cache... L'Amazon. C'était le Nil. Eh ben non, c'est l'Amazon. Ah non, mais attends. Ah bah moi, j'ai oublié. Alors, bah nous, on répond. Moi, je dis le Nil. Ah oui, j'ai oublié de vous demander. C'est ça. Tu devrais leur donner la réponse. Objection, votre honneur. Sous les traits de quel animal Georges Marchais était-il représenté dans le Bébête Show de Colaro ? Cache ! En cochonne. Bonne réponse, 1985. Alors là, on pense que t'as... Maurice, dès qu'il est question de cochonne, il connaît. Quel est... Attends, je vérifie, c'est toujours oui. Quelle est la plus grande agence de presse du monde ? L'AFP, non ? Dans ton micro, Bob. C'est celle américaine, là, comment ? Française, il a dit. Non. Du monde. Ah, du monde. J'ai dit quelle est la plus grande agence de presse du monde. Comment s'appelle l'agence de presse américaine ? Sachant que ça n'a aucun rapport avec le Danemark, par exemple. Ouais. Avec le Danemark ? Ça, c'est important. Non. Ça n'a pas de rapport avec le Danemark. Non. C'est gentil de le dire. Voilà. Ni avec un bégonia. C'est pas KFC ? On va dire la. Bon, là. Il y a une limite de temps ou pas ? Ou alors dans 4 heures, ils peuvent donner la réponse ? L'AFP, non ? L'AFP, ce n'est pas l'AFP. Non, c'est l'autre. Ouais. Alors, c'est soit Reuters, soit la Société de Presse. Moi, j'aurais dit Reuters. Allez, Reuters. Non, c'est l'autre. C'était la Société de Presse. Quel roman a rendu André Malraux célèbre ? Ah. Entre ici, Jean Moulin. Non, mais c'est pas un roman. Mais oui, c'est pas un roman. On en a parlé il y a 15 jours. Ah ouais ? J'avais une autre question. Fais pas ton dadais. La même réponse. Donc si vous avez... Ça m'en revient pas. T'en as parlé il y a 15 jours, j'étais pas là. Oui, c'était une réponse il y a 15 jours où j'ai posé... Ça m'en revient pas. Non, je... Non, moi je vois pas, non. Alors ? La condition humaine, non ? La condition humaine, oui, c'est correct. Ah, bravo Guillaume. Ouais, bravo Guillaume, oui. Ça me revenait pas. Quel est l'anthropologue qui a écrit... Puberté à Samoa. Brigitte Lahaye. Anthropologue, c'est ceux qui mangent les autres. Non, ça, c'est anthropophage. Non. Puberté à Samoa. Oui. Bon, si vous savez pas, vous pouvez pas savoir. C'est un nom à la con. Attends, Livingston. Non. Oui. Anthropologue. Je dirais Claude Lévi-Strauss. Bah ouais, j'en connais qu'un, moi. Lévi-Strauss ? Non, c'était Margaret Mead. Ah ben oui, Margaret Mead. Ah bah la sœur de Sonia Mead. Voilà. Voilà. Ouais. Très bien. Et enfin... Et la... Comment dire ? C'était la mère de Maurice Fay. Maurice Fédé. Maurice Fédé Bide. Ah oui. Bon, tu la couperas. Ouais. Toi aussi. Hein. Et alors enfin, dernière question, sport et loisirs. Hein. Quel jeu a fait la réputation de Monte Carlo ? La réputation, moi je pense que c'est la roulette. Le badminton. Oui. La roulette. La roulette, c'est une bonne réponse. Bravo. Ah oui, bravo. Ah là là, bah oui, quand même. Dans l'émission, il y a une autre deuxième nouveauté. C'est la roulette russe. Ah. Donc la roulette russe, c'est simple. La roulette russe, on se donne des mots. C'est simple, ça dépend pour qui. Qui correspondent à des blagues historiques de Maurice. Il a une quinzaine de blagues qu'il connaît par cœur. Et donc, on lance cette roulette russe. Tu dis stop quand tu veux. Et au stop, Maurice raconte la blague. Mais instantanément. Alors, sans note, rien du tout. La blague qui correspond au mot en question. Ah d'accord, très bien. Top roulette russe. Mario Boss. Sex Shop. Perchis. Zébu. Souris. Maya l'abeille. Top. Top. Bah, il y a l'abeille, on peut pas passer. Ah oui, voilà. Alors celle-là, il a réellement pas besoin de ses notes. Ah. Et bien sûr, il s'adresse à l'invité. Mon cher Guillaume, c'est Maya l'abeille qui reçoit sa fille à dîner. Ah ouais. Qui reçoit sa fille à dîner. Et bon, c'est le raconter entièrement. Et sa mère demande à sa fille à la fin du repas, t'as bien dîné, maintenant, qu'est-ce que tu veux comme dessert ? Et la fille... La fille lui demande, est-ce que tu as une mouche au chocolat ? Regarde la tête à Guillaume. Si, parce qu'il faut l'image. Ce qui est marrant, c'est la tête à Guillaume. Non, parce que est-ce que tu as compris quelque chose ? Non, mais il y a une histoire de mouche au chocolat. Mais, c'est... Parce qu'en fait, une abeille ? Non, parce qu'en fait, il vient de mélanger deux blagues. Il vient de mélanger deux blagues. Il y a Philippe qui va mourir. C'est pas possible. Ça, il nous l'avait jamais fait encore. Appelez le 15. Philippe est tout rouge. Bon, alors pour que les auditeurs comprennent et surtout Guillaume, ce que c'est mais que cette blague. Elle était bonne celle-là quand même. Très bien, Ah oui, elle est bien celle-là. Maurice va nous la raconter juste après la pause parce que ce sera la tournée de blagues. Donc reste avec nous. On revient avec Guillaume. Oh, non, Maurice. Rassemble-toi, Philippe. Retourne, on va se marrer avec Guillaume Meurice. Ouais. Alors nous, on se marre bien dans l'émission, mais je pense que dans tes spectacles, parce que tu en as quand même fait maintenant quelques-unes de représentations, est-ce que tu as eu des petits incidents ou des petits souvenirs, comme d'ailleurs Fred nous raconte régulièrement des souvenirs de ces spectacles. Ah bah oui, avec des encouragements du public. Ah oui, quand t'es sur scène, t'as des standing ovations. Oh, c'est comme ça. Oui, enfin ouais. Moi, les standing ovations, c'est quand ils quittaient la salle. Pendant le spectacle. C'est ça, oui. Donc tu dis, bon, bah, allez bien, on en a assez. Mais c'est bon. je crois que c'est pas la peine. Puis généralement, les chieurs se mettent au premier rang. Ça va pas s'arranger, on s'en va. Hein, les chieurs se mettent toujours devant ou premier. Non, alors au spectacle de Guillaume, ils étaient à l'avant-dernier rang. Parce que moi, j'étais au dernier rang, ils étaient devant moi. Tu vas quand même pas nous reparler de Gérard Miller. Non, Miller, il était à côté de moi. Ah mais tu les attires, alors c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que t'as des petites choses? Ouais, j'ai un truc assez marrant qui m'est arrivé à Nice, où dans mon spectacle, je joue Dieu. Et à un moment donné, je dis que celui qui n'a jamais trompé son conjoint me jette la première pierre. Et donc, j'attends normalement, personne ne me jette rien. Et il y a un mec, un jour, qui m'a jeté une bière. Ah. Donc j'ai dit non, pierre, pas bière. Véridique. Hein. Marc, elle est très drôle. Hein. C'est véridique. Bon, alors, puisque tout à l'heure, on a failli avoir la blague, la fabuleuse blague de Maya l'abeille, oui. Nous allons peut-être la voir avec cette tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. Mon cher Guillaume. Ah oui, Maurice. Très important là. C'est deux abeilles qui discutent. L'une dit à l'autre. Maya l'abeille. Oui. J'ai. Non, mais tu l'as. Attends. T'es en train de la lire. Tu l'avais un peu améliorée depuis. Oui, c'était Maya l'abeille. T'avais dit avant. Oui, avec sa cousine. Maya. Ah. Alors. Avec sa cousine. Mon cher Guillaume, oui. C'est deux abeilles, Maya l'abeille et sa cousine, qui discutent. Et il y en a une qui dit à l'autre, chouette, j'ai internet dans ma ruche. Oh. Et sa cousine lui dit, tu vas pouvoir me donner ton email. Ton... Non. Et voilà. Oh non, c'est parce que c'est vrai. Une blague, en fait. C'est pas vrai. Ouais. Ça fait deux ans, Maurice, que tu la racontes, cette histoire. Fais-la bien d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. C'est deux abeilles, Maya l'abeille, sa cousine. Oui. Qui rencontre son autre cousine. Oh là là. Oh non, on n'en rajoute pas une troisième. Non. L'une dit à l'autre, j'ai internet dans ma ruche. Ouais. Et Maya l'abeille lui répond, chouette, donne-moi ton nimieille. Voilà. Oh non, je crois qu'on n'aura pas mieux. Non, on n'aura pas mieux. Non, ouais. Tu fais ton bénet quand même, Maurice. Bah, alors, Bob, je crois qu'il faut qu'on l'envoie en Allemagne. La virginité. Eh ben, c'est comme les mouches sur le dos d'une vache. Un coup de queue et hop. Non. Ah bah tiens, puisqu'on parle de vache, on reste en pleine campagne. Il y a le père et son fiston qui bêchent. Lorsque soudain, l'outil du gamin frappe quelque chose de dur. Alors il ramasse l'étrange objet et puis il dit « Oh regarde Pépé, regarde !» Mais qu'est-ce qu'il y a ?« Regarde ce que je viens de trouver !»« Oh putain, une grenade de la dernière guerre !»« Oh, fais gaffe, la goupille elle est où ?» Alors le gamin, le père arrache la grenade des mains du fils, la balance le plus loin possible, boum, elle tombe dans les chiottes au fond du jardin et boum ! À ce moment-là, il y a la grand-mère qui sort avec un nuage de fumée. Ah ben dis donc, sacré bien Dieu. Heureusement que celui-là, je l'ai pas lâché dans la cuisine. Hein. Alors Guillaume, tu parlais de bière et ça tombe bien parce que l'autre jour, je discutais avec Bob. Ah ouais ? Et Bob me disait, tu sais, dans la bière, il y a des hormones femelles. Ah bon ? Alors, Bob, qu'est-ce que tu racontes ? T'es sûr, hein ? Si, alors il m'a montré, parce qu'effectivement, au bout de 10 bières, il avait pris du poids, il parlait pour rien dire, il pouvait plus conduire correctement, il n'arrivait pas à tenir un raisonnement simple, il refusait obstinément de reconnaître qu'il avait tort, même quand c'était évident, et pour couronner le tout, il allait pisser toutes les 5 minutes. Donc maintenant, je crois qu'il n'y a pas besoin de pousser la démonstration plus loin, il y a des hormones femelles dans la bière. Je m'applaudis. Alors, la blague de Guillaume Meurice. Alors, attention, parce que là, je vais vous demander un tout petit peu de concentration. Ah. C'est donc évidemment une devinette. Monsieur et madame, en Je les lave avec Tony Gencil, ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? En Je les lave avec... En Je les lave ou on ? En.

Guillaume, comment veux-tu que je ne m'énerve pas? Oui, tu dois avoir de l'inspiration pour ton spectacle. Non, là. Non, moi, j'en peux plus. Moi. Bon, alors, après cette très courte pause, ça sera votre carte. Ah bah quand même. Parce qu'on voulait les garder au frais. Donc, restez avec nous. On revient avec Guillaume Meurice. Ouais. Retournons à se marrer avec Guillaume Meurice. Ouais. Alors, Guillaume, si vous voulez voir toutes ces petites vidéos surprises, Maurice. Alors, c'est guillaumemaurice.fr. Non bah, Guillaume si. Meu. Ah, oui. Meurice, eh ben, j'ai bien dit. Ah, j'ai entendu comment mot. M-E-U. Ah, voilà, oui. Guillaume Meurice. Meurice. Oui, bah, M-E-U. Ce que tu dis, ça fait Meu, ça fait pas Meurice. Meurice. M-E-R. I. Deux S-E. Non. C-E. Il manque une lettre. Oh, on peut mettre deux S, on s'en fout. Mais non, ça marchera pas son site internet. Sur ça sera un autre site internet. Ah oui. Alors Guillaume, il faut le dire, il est au théâtre de 10h tous les mercredis à 21h30. Théâtre de 10h à Paris, bien sûr. Alors, j'ai donc votre carte maintenant entre les mains. Eh ben, garde-la, nous on s'en va. Salut. Voilà. Hein, merci, bonsoir. Vous, il faut remonter la pente, car je vous rappelle que vous êtes mené pour l'instant 4 à 2. Josiane, la pente. Voici votre carte, les Bad Boys. Oui. On t'égoutte. Quel est le nom occidental du Chomolungma, haut de 8800 mètres d'altitude? Qu'est-ce que j'en sais? Mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Ah non, ça, tout le monde le connaît, tout le monde connaît. Alors, on va l'en quel est le nom occidental du Chomolungma? Alors c'est quoi, la Napurna, l'Everest? L'Everest, c'est comme ça, ouais. Combien tu dis, 8000? 8800 mètres d'altitude. L'Everest. Allez, l'Everest. Va pour l'Everest. L'Everest est une bonne. Ah, le toit du monde. Eh oui. Une question pour Frédéric Coster. Ah. Ah, c'est bon. Qui était la vedette féminine de James Bond contre Dr No? Oh. Cash. Même moi je sais. La copine, la compagne de Belmondo. C'est-à-dire Ursula Andress. Yeah. À l'époque. Correct. À l'époque. Avec son petit bikini jaune. Quel culte déiste a été institué en France le 7 mai 1794? Ah, c'est pour nous? Oui. Culte déiste. Bah, toi, tu devrais savoir. Ah, pas cash déjà. Mais toi qui fais Dieu. Toi qui fais Dieu, tu devrais savoir. 1794. Ouais, Attendez, vous pouvez pas dire cash et vous. Non, et on a dit pas cash. Ils ont dit pas cash. Ah, c'est pas cash. Oh alors. Putain, pas mais j'entends plus rien, c'est horrible. Hein. Et lui, c'est pas la masturbation, il peut plus. 1794 après la Révolution, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est un culte déiste. Oui, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Hein. Tu sais, toi? Non. La congrégation du Grand Trou de Balle. Correct. Non, alors est-ce que vous avez une idée, les Nadine Morano Band? Avec les petites jeunes, là. Non. DSK n'était pas née à cette époque. Non. Je me souviens pas. Non. La luxure. Non. Je sais pas si je sais ou si je me souviens. Un culte déiste. Le culte de l'être suprême. Oui, ah ça. Voilà. Oh. Oui. Question oui, très difficile. C'est comme ça qu'on appelle ce qui se passe chez moi. Là, il va falloir quand même que vous preniez quelques instants pour réfléchir, oui, surtout. Oui. Quel est le matricule de James Bond? Oh, alors, cash. Tu peux le dire, Guillaume, cash. Je dis cash et tu dis la réponse. Vas-y. Cash. 007. Correct. Bravo! Ah oui, alors là, c'est extraordinaire. Bravo. Quel talent, mais ça c'est incroyable. Pas. Ce Frédéric Coster est incroyable. Quelle doctrine oui. diététique oui. exclut la viande? Si tu me regardes, je t'en colle une. Mais autorise certaines protéines animales. Cash? Ouais. Le végétarisme, ou je sais pas comment Lisme. On appelle ça? Le végétalisme. Non, non. Rysme. Ah, c'est plus cash, là. Ah, si, il a dit non. Enfin, cash, d'être végétarien, quoi. Non. Lien. C'est correct. Non, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, végétalien, c'est aucune protéine animale. Bien. Ah bah parfait. Alors que les deux points sont marqués. C'était quoi ton mot, le mot exact? C'est ça, c'est ce que tu avais dit. Le végétarisme. Végétarisme. Ah, bah alors pourquoi tu me... Non, parce qu'il me disait végétalisme. Qui... Ouais, non, mais c'est moi qui dis cash. Bah oui, mais bon. Regarde pas lui. Bon, je sais bien qu'il est dans mon équipe. Mais enfin, dernière question. Qu'est-ce qu'on appelle un dead hit ou hit, un dead hit dans une course hippique? c'est chez Kéab. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas, T'as compris ce qu'il a dit? Alors, les traductions de, des réflexions de Maurice. Alors, Maurice a dit. Un dead hit. Dans une Maurice course. Parle l'anglais, je préfère pourrait... ne pas écouter. Voilà, quand il est coiffé au poteau, la coiffée au poteau, quelque chose comme ah, ça. Peut-être, ouais. Un coiffage au poteau. Un coiffage au poteau. Et ça s'appelle comment? Un dead hit. Dead oui. hit. Si vous ne me donnez pas la, le bon terme, je peux pas l'accepter. Bah si. Bah, c'est ça le bon terme. Coiffage au poteau. Non, oui, quand, bah, la... oui, bah, voilà. Quand un cheval coiffe un autre voilà, au poteau. Au dernier moment, là, bim. Non, voilà. C'est pas ça. La photo finish. Oui. Mais oui, mais c'est ça. C'est ce que je demande. Qu'est-ce que c'est? Ah non, t'as dit. T'as pas dit did it parce non, que c'est dead hit. Dead hit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un dead hit? Ex aequo. Eh bien, c'est une bonne réponse de Bob. Et donc, tu ne leur comptes pas le point. Pourquoi? Quoi? Il a été parce que nous avons eu seulement 5 points possibles sur leur carte, alors qu'eux, ils ont eu 6 points possibles sur la nôtre. C'est pas faux. C'est pas faux, mais je la compte quand même. Merci saloperie. Philippe. Et alors, dans l'émission... Arrête de cracher tes curlis, toi, non, vieux non, débris. Non. Dans l'émission, on a pris une petite habitude maintenant, une petite liberté, comme on a des comédiens qui jouent bien la comédie chaque fois. Oh là là là. On demande toujours aux comédiens présents s'ils acceptent de jouer c'est un petit piège. De jouer un petit sketch avec Maurice, d'après une adaptation d'une de ses blagues. Et on aime bien la blague du sex shop. Tu fais le gérant du sex shop. D'accord. Voilà. Et Maurice fera la cliente. Alors, Maurice, t'es prêt? Je suis prêt. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je désire. Ah, bah, non, c'est un vendeur. C'est aimable. Bah, sec, hein. Bah, c'est un vendeur parisien. Ah. Bonjour, monsieur. C'est une dame. Hein. Ah, oui, parce que normalement, d'habitude, on lui dit bonjour, madame. Ah, ouais. Non, mais on s'en fout, il m'a reconnu. Je fais le vendeur que je veux. Elle revient toutes les semaines, cette dame. Je la connais par cœur. Elle va encore vouloir l'extincteur, vous allez voir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène, madame? Je désirerais cette fois-ci que vous me disiez ce que vous avez reçu en Godemiché. Oui, alors très bien. Bah, ça tombe bien, on a et reçu. Et quelle couleur, surtout? Ah, c'est les couleurs qui vous intéressent? Les couleurs, l'épaisseur et la longueur. Voilà, d'habitude, c'est plutôt ça, c'est pour ça. C'est pour quel usage, monsieur? Oh. Madame, pardon. J'ai dit monsieur parce que vous avez une moustache, mais excusez-moi. Madame. Je suis désolé. C'est mon premier jour ici. Je suis à l'essai encore, donc pardonnez-moi. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors, il t'a posé une question. Oui, c'est pour quel usage, madame? Oh, qu'est-ce que vous souhaiteriez en faire? C'est pour tout usage. Hein. C'est sur place, c'est à emporter? Non, c'est à emporter. C'est à emporter, très bien. Alors, on a une belle collection, hein, je ne vous cache pas. Mmh. Quelle taille vous faudrait? Oh, dans 25-30. 25-30, d'accord, madame. Voilà. Je vois que madame est très précise. Voilà. Très bien. On a du 28 cm. Oui, c'est pas mal. C'est le nouveau, c'est le Bob le Club, on appelle ça. Voilà. Et en c'est couleur, qu'est-ce que vous avez Club, en couleur? En couleur, on a. Vous alors... avez phosphorescent, non? Alors, phosphorescent. C'est pratique pour le noir. Ah, d'accord, bah voilà, j'en sais déjà vous un petit peu un plus ami sur, africain. Vos, sur vos pratiques. D'accord. Très bien, d'accord. Bah, voilà, n'hésitez pas à choisir. Faites un tour dans le magasin. Hein. Oui, et qu'est-ce que vous alors, proposez? Alors, par contre, je vous déconseille de les essayer. Mais, bien sûr. Bien évidemment. Mais celui qui est sous l'étagère là-bas, il n'est pas phosphorescent? Celui, le rouge, vous voulez dire? Oui. Le gros. Le gros. Moi aussi, okay. Je peux foirer la blague avant la chute. Moi aussi, je peux faire Maurice. Oui, le gros qui est sous l'étagère, là, il est phosphorescent la nuit? Vous parlez de l'extincteur? Ah, c'est l'extincteur. Ah oui, tu vois, si tu cherches un jour un compère pour la scène, là, il y a quelque chose qui est né, en tout cas, vois, j'ai l'impression. Tu peux faire appel à Maurice. Ouais, je vois ça. Il joue tous les personnages. Homme, femme, curé dans son église. Petit enfant. Bon, dans quelques secondes, il va falloir vous concentrer. Oui, en un seul mot. Oui. Car nous allons à nouveau vous solliciter pour une tournée de blagues, puisqu'on pour l'instant, on sollicite beaucoup Maurice et un petit peu Guillaume, mais là, il va falloir solliciter tout le monde. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai un succès, moi. Avec tes blagues. Oh ouais. Là là là là. Donc, restez avec nous dans quelques instants, la prochaine blague coupée au montage avec Frédéric Coster et surtout Guillaume Meurice. Bravo. Retour, on va se marrer avec Guillaume Meurice. Donc, pour en savoir plus, Maurice. Alors, il a son adresse, c'est guillaumemeurice.fr. Et sa page Facebook. Incroyable. Et sa page Facebook. Non, pas sa face. Sa page Facebook. Voilà. Sa face Facebook. Je crois qu'en plus, vous êtes amis sur Facebook. Bien sûr. Ah. Maurice a maintenant énormément d'amis sur Facebook. Ça m'étonne pas du tout. Oui, vraiment. J'ai pas Bob, par contre. Les gens mettent des messages d'insultes sur son mur. Ah, non, non. Généralement, ils réclament les blagues, d'ailleurs. Ouais. Voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bien entendu, on commence toujours par Maurice. La blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Alors, c'est une blague que j'ai reçue de Michael de Palaiseau. Ah. C'est deux vieilles paysannes qui ramassent des patates. À un certain moment, l'une d'elles saisit deux grosses patates et dit à l'autre « Vain Dieu, ils sont comme les couilles de mon Victor !» Alors l'autre lui dit « Aussi grosses ? Non, aussi sales oh. !» Elle est bien, je la connaissais pas. Deux chiens sont chez le véto. Le premier est un petit chien et un autre un gros chien. Le petit chien, il vient chez le véto pour se faire couper les couilles. Il a baisé la chienne de sa voisine. Oh là là. Et le deuxième, sous la douche, pendant que sa maîtresse était en train de ramasser le savon, il s'est envoyé la maîtresse. Alors le petit chien qui fait à l'autre, alors, tu viens de faire couper les couilles ? Elle dit non, moi je viens de faire couper les griffes. Ouais. Non, deux blagues avec deux fois le mot couille. Oui. Donc, Philippe, c'est à toi. Eh bien, moi, c'est beaucoup plus classe. C'est clic-clac. Ah, c'est clic-clac. C'est blagues beaucoup clic-clac. Plus clic-clac. Alors, ça se passe dans un colcause. Il y a un type qui a fauché 50 litres de lait. Ah merde. On lui a mis le grappin dessus. Il y a le comité qui le convoque et qui lui dit bon, ben voilà, on s'est concerté. C'est des paysans russes. Oui, mais c'est ça. J'ai du mal à faire l'accent russe. Alors. Du coup, je me suis dit... Parce que là, c'est un mélange d'accents... Parce que je les connais, les accents que fait Philippe. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est un mix d'accents belges, d'accents russes qu'il n'arrive pas à faire. Il y a du Johnny un peu. Non, mais en fait, c'est que j'avais un élevage de brebis. Je vous ai dit, non. J'en avais des brebis avant. J'avais des brebis. Alors j'ai laissé tomber l'élevage de brebis. Oui. Et là, je suis parti m'installer dans un kolkhoz russe. Bon, et donc, je fais partie du comité. Et donc, on s'est réunis et on a décidé... Maurice, hein, tu as volé les 50 litres de lait, donc on a décidé que tu devais restituer le lait immédiatement. Immédiatement, mais comment je vais faire? T'inquiète, on va brancher la trayeuse automatique. D'accord. Bravo. Non, parce que si vous insistez, je vous reparle de mon problème de brebis. Non, les brebis. Alors, c'est un type qui s'engage dans la Légion étrangère, qui est envoyé dans un camp dans le désert. Et comme il est un petit peu chaud lapin, il demande au mec, vous faites comment quand vous avez envie, quoi. Et le mec qui était là depuis quelque temps, il dit, tu vois le chameau là-bas? Mais ça va pas, non. Mais c'est dégueulasse. Mais jamais de la vie, mais tu te fous de ma gueule. Non, il se casse. Puis au bout de 3 semaines... Et au bout de 3 semaines, la nature le rappelle quand même. Et il se dit, putain, tant pis, j'ai trop envie. Donc il prend un escabeau, il monte sur l'escabeau et il se tape le chameau. Et le lendemain, il raconte ça au mec à qui il en avait parlé au début. Et l'autre dit, mais t'es complètement con ou quoi? Le chameau, c'est pour aller au village qui est à 2 heures de route où il y a des putes. Alors, la blague de Guillaume Meurice. Alors, on va faire quelque chose de sans filet. J'ai devant moi un livre avec marqué 1000 blagues dessus. Donnez-moi un chiffre entre 7 et 240. Maurice. 45. Ah. Attention, page 45. Ouh la vache, elle est super longue. Ah oui. Elle est beaucoup trop longue. Ah oui, j'en ai une, page 44. On l'a déjà dit. Comme vous y allez. J'en ai une en plus avec le mot couille dedans. Ça sera complètement dans la thématique. Un lapin aveugle. Alors je garantis pas. Je la lis. Je découvre en même temps que vous. Un lapin aveugle rencontre un poisson. Il lui passe sa patte sur le dos. Tu es froid, tu es glauque. Il passe la patte dessous. Tu n'as pas de patte. Tu n'as pas non plus de couille. Tu es un énarque. Ok. J'avais pas. Merci Maurice. Non, parce que moi je. Finalement, c'est Guillaume Maurice. On veut m'empêcher de parler de mes problèmes de brebis. Oh putain, non. Mais il y a quand même quelque chose que je vous ai jamais raconté. C'est quand même quand j'ai fait le service militaire. Quand j'ai fait le service militaire, vous comprenez, en plus on était en Algérie, donc on n'avait pas de quoi se mettre des nanas sous la dent tous les jours. Et donc quand je suis arrivé là-bas en Algérie, il y a les petits collègues qui étaient là depuis un moment, qui lui dit mais comment vous faites pour vous vider les couilles? Alors justement il me dit et c'est très simple, on se tape des brebis. Ah, oui, tu vas dans le troupeau et on se tape des brebis. Ah, ben là, c'est pour ça qu'après j'ai fait mon élevage de brebis après. Ah. Alors, donc un soir, quand je les avais pleines, je fonce, donc le petit troupeau qu'il y avait à côté du camp militaire, et je me prends une brebis là tranquille, et baf, là, là, mais cette conne, elle se met à gueuler. Alors, ça réveille tout le camp, tout le monde arrive, ils allument les lumières, les projecteurs, ils sont en train de me faire. Tout le monde se fout à rire. Je me suis dit, putain, je me suis fait avouer. Tout le monde me plier. Mais pourquoi vous riez? Et pourquoi vous vous foutez de moi? Parce que t'as pris la plus moche. Je vais donc maintenant vous poser une petite question pour marquer un point. Bien. Question assez facile. À votre avis, qu'est-ce qu'un homme passe en moyenne 10 mois de sa vie à faire? Manger. Non. Toilette. C'est-à-dire toilette. Popo. Bah, il va faire popo. Oh bah dis donc, 10 mois, ça fait quand même... Bah attends, sur 80 ans... Bah Maurice, dans la vie, il se fait chier, non? Oui, non. Non, il dort pas, il dort beaucoup plus que ça. Il se cure le nez. Ah? Je sais pas. Pendant 10 mois de la vie. Il se coupe les ongles. Tu te coupes les ongles tous les jours, toi? 10 mois de sa Est-ce vie que c'est un truc qui fait 10 mois de l'année? Attends, 10 mois de sa vie, la question parce que j'ai l'impression que. Alors, la question est simple. Dans une vie d'homme. Dans une vie d'homme, bah voilà. 10 mois, c'est rien qu'est-ce dans une vie d'homme. Bah, qu'est-ce qu'un homme en moyenne passe, si tu mettais tout bout à bout, 10 mois ça dépend, de sa vie? Ça dépend, parce que le petit Grégory, c'est. Voilà. Oui. Je fais remarquer que le petit Grégory, Philippe, nous a bien expliqué que le sac était fermé de l'intérieur. De l'intérieur. Il y avait eu enquête. Il y a eu enquête. Voilà. Attends, c'est un homme ou un homme ou une femme? Non, un homme. Ah, c'est un homme. Ah, voilà. Il se gratte les couilles. Non. Il y a encore. Sponsorisé par le mot couille ce soir. Ce soir, oui. C'est celui qui. Il se gratte le fion. Et tu crois qu'on s'est amusé à faire des statistiques sur le grattage de fion? Il y en a qui font ça. Ouais. Bon, j'avais une petite blague aussi, mais je sais pas si je la ferai peut-être pas ce soir. Ça va faire on beaucoup. On va perdre Frédéric Coster. On va perdre Coster. Tu connaissais la blague de l'anniversaire, non? Joyeuse, non? Ah, bah c'est donc. C'est donc pendant que Maurice et Frédéric qui vivent ensemble depuis 40 ans. Ah. Et c'est l'anniversaire de Maurice. Oui. Alors, joyeux anniversaire, mon chéri, bah tiens, puisque c'est ton anniversaire, je t'autorise à me mettre un doigt dans le cul. Ah. Oh, t'es réel, bah d'accord. Ça bon. Fait ce bruit-là. Alors, bon, il n'y a rien qui vient. Bon, bah alors écoute, puisque c'est ton anniversaire, je t'autorise à mettre deux doigts dans le cul. Ah bon, bah d'accord. Toujours rien. Bon, écoute, alors voilà. Pourquoi moi, d'accord. Voilà, bah, bon, puisque c'est ton anniversaire, écoute, je t'autorise à mettre quatre doigts. Toujours rien. C'est pas bon, du bruitage, hein, il le fait vraiment. Hein. Puisque c'est ton anniversaire, là vraiment, je veux te faire plaisir. Vas-y, mets-y la main. Ah oui, mets la main. Mais... Oh, mais je sens qu'est-ce que je sens quelque chose. Ben vas-y. Alors il sort. Oh, une Rolex. Joyeux anniversaire. Joyeux bon, hé. Hey. Vous me faites raconter des horreurs. Qu'est-ce qu'on fait pour se raser? Il se masturbe. Non. Il non. se rase. Il se rase. Ah, bravo. Bonne réponse. De Guillaume. Alors, on n'est pas tous égaux, hein? Non. Pourquoi? Dis-moi, bah attends, il se rase tous les matins. Sur une vie. Bah pendant 90 ans. Mais attends, ça ne dure pas 2 heures non plus. Non, mais t'as ça pas dure... un poil sur le caillou. Ça dure bien 4 minutes. Bon, ah, pas 4 minutes tous les jours. Moi, je me rase que d'un côté par jour. Bah, non. On parle de la barbe. Hein, oui. Oui, alors non, mais ça ne me regarde pas. Après, ta vie privée me regarde mais pas. Mais Bob, tu ne te fais pas le maillot, toi, de toute façon. Ah non, moi, je n'ai pas de poils, donc... Bon, eh bien, ça bon. Permet aux bad dans boys... Dans l'intimité, sa femme l'appelle Kojak. Oui, c'est vrai, l'homme de fer. N'exagère pas non plus. Oui. Donc, un point de plus pour l'équipe des Bad Boys. Mystère de l'Ouest. Plutôt. Ce qui va nous permettre de faire une courte pause. Ah oui, s'il te plaît. Et de revenir avec... Avec le gratter le fion, là, j'ai failli, j'ai failli me tuer. Donc... Avec Guillaume Meurice, ouais, à tout de suite. Retour, on va se marrer avec Guillaume Meurice. Ouais. Alors, Guillaume, il y a une autre nouveauté par rapport à ton passage précédent dans l'émission. Il y a une nouvelle épreuve qui s'appelle, enfin, qui n'est pas nouvelle pour les auditeurs, ils la connaissent depuis quelques semaines, qui s'appelle l'épreuve de la photo mystère. Nous sommes à la radio, mais malgré tout, nous confions chaque semaine à Maurice une photo mystère. But du jeu pour Maurice, bien sûr, c'est d'essayer de faire découvrir ce qu'il y a sur sa photo mystère. Voilà. En donnant des informations très intéressantes. Il n'a absolument pas le droit de prononcer le mot, le nom qui compose la photo mystère. Sinon, il n'y a pas de jeu. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Et il a également un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer. D'accord. Non plus. Alors celui-là, tu n'as pas de risque à avoir. D'accord. On ne sait jamais. Le mot, c'est couille. Donc, il donne des informations. On joue par coup de 10 secondes. Il donne 10 secondes d'informations à Bob, son coéquipier. Et puis, si Bob ne trouve pas, c'est pour vous, etc. Et d'accord. C'est la première équipe qui trouve, qui marque le point. Yes. Donc pareil, pour éviter de perdre du temps, parce que quelquefois on envoyait le chrono puis Maurice mettait du temps à démarrer. Là maintenant c'est Maurice qui lance le chrono quand il le d'accord. souhaite. Alors Maurice, c'est quand tu veux. Allez, stop. On peut le trouver. C'est un endroit terrestre. On peut trouver dans des endroits humides. Super, merci Maurice. C'est un endroit Maurice. Terrestre qu'on peut trouver dans des endroits humides. Ouais, je pense ah, que... ah, là, il y a quand même des informations précieuses. Tu vois pourquoi c'est drôle maintenant comme ouais. jeu. Ah ouais, ouais, ouais. Je comprends surtout pourquoi ça dure 4 heures. Ah non, maintenant, les gens trouvent. Hein. Un escargot. C'est un endroit terrestre. Endroit terrestre. Bah, c'est un endroit terrestre, oui. Bah, il t'aurait dit que c'était un animal. Dans un endroit terrestre. Bah c'est pas bête, ah. Il a anticipé le fait que Maurice ouais. raconte mal. Bon, ouais. Alors, bah oui. Là, c'est toujours non. difficile quand on commence. Hein. La main passe. La main passe, 10 secondes pour parce l'équipe que des bateaux. On ne sait pas ce que c'est. Encore. Alors, stop. Oui. C'est une œuvre d'art où il y a beaucoup de couleurs, de la peinture. Alors, c'est une œuvre d'art, de la peinture qu'on trouve dans des endroits humides. Dans un endroit humide. T'as pas de tableau dans ta salle de bain ? Non. Donc ça peut pas être ta salle de bain. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Humide avec beaucoup de couleurs. Ah, je crois que Bob a une idée. Je connais Bob. Il a une idée. Ça me vient pas là. Non, Guillaume, t'es pas branché peinture ? Ah oui, je pensais que ça. Ah d'accord, parce que moi j'attendais mon tour. Non, c'est nous, c'est à nous là. Non, c'est à vous là. Je sais pas du tout, non. Bah, un tableau avec. Non, c'est un endroit. Ouais, ça mais va c'est être un truc que, genre le centre Pompidou, tu vois. C'est à, mon avis, c'est, à mon avis, c'est le nom d'une œuvre d'art, moi. C'est le nom ouais, d'un tableau. Bah ouais, ouais. Genre les impressionnistes, ah ouais. là, ils ont des tableaux sur les bords de l'Arne, là. Je sais pas. Comment c'est les... Le déjeuner sur l'herbe. Ouais, mais. Ah, bah proposé. Le déjeuner sur l'herbe. Non. Mais c'est ça, ça doit être une œuvre d'art, c'est un tableau en fait. Alors Maurice, stop. C'est un an. Ouais. D'accord. Faux départ. Allez, faux départ. Faux départ. Voilà. Bob, peut-être que ça, attends, peut-être ça t'intimide le fait que je te regarde. Oui. Ne le regarde pas, je crois. Alors stop. C'est beaucoup de couleurs. Protégé, interdit de visite. C'est les grottes de Lascaux. Ah oui. Oui. Oh là là, ça, là. Alors, est-ce que Bob, on peut te demander ce qui t'a mis sur la voie ? Humide, hein, certainement. Comment? Oui. Avec sa famille. Parce qu'il a expliqué à mes deux petits camarades d'en face le coup d'avant. Oui. Que c'était un endroit unique. Ah. Non, c'est pas nous qui l'a dit. Si, si. C'est nous qui l'a dit. Ah, c'est pas humide, c'est unique. Ah, c'était unique et pas humide. Il y avait humide et unique. Ah. Mais ton micro, il est là, par contre. Il est pas à 3 cm derrière. Non, mais... Alors, voilà. Maintenant... Mais enfin, beaucoup de couleurs... Ouais. Oui. Si, quand même. Il y en a, il y en a. Ah, si, oui. Je pensais, tu les as pas vus. Oui, voilà, il y a un point marqué déjà, Bob. C'est du... Maintenant, est-ce que tu aurais une idée du mot interdit qui pourrait empêcher Maurice... Caverne ? Non. J'aurais dit préhistorique. Préhistoire, ouais. Ouais. Préhistorique. Non. Ah. Spéléologie. Eh bien, le point est néanmoins marqué par l'équipe d'Enadine Morano, je dois le dire. Bof, bof. Oui, on aurait pu. Bon, alors sur ce coup-là, je crois que Guillaume Meurice a eu le temps de la préparer. Voici la dernière tournée de blagues de la soirée. La journée. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Maurice. Alors j'ai reçu une blague de Nicolas P. de Viroflay. Un père surprend sa fille de 20 ans dans sa chambre avec un god. Oh là là, y a toujours, c'est pas possible, il n'y a que ça. Ce soir. Il lui demande pourquoi un god et pas un mec. Elle lui explique que c'est mieux que les mecs. Le lendemain, la fille rencontre son père et la surprend sur la terrasse avec un pastis et le god sur la table. Elle lui demande « Dis papa, qu'est-ce que tu fous avec mon god ?» Le père lui répond « Je prends l'apéro avec mon gendre. » Elle est très drôle. Alors, je vais vous donner une information. La mère de Maurice a eu 15 enfants. Ah, parce qu'elle était sourde. Eh oui. Ah bon ? Pourquoi ? Eh oui. En se couchant, son père lui demandait « Alors, ce soir, on dort ou quoi ?» Et sa mère répondait « Quoi ?» Non. Comment ? Non, parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes problèmes de Blobby. Et c'est vrai qu'avec Guillaume Meurice qui est là ce soir, ça m'emmerde quand même de ne pas lui raconter mon problème de Blobby. Et c'est vrai qu'il est très fan de Michel Berger. Alors, parce qu'un jour, j'avais un troupeau de brebis, et figure-toi, le mâle il est mort. Donc j'avais plus que des femelles. C'est pas possible. Si j'avais plus des femelles, plus personne pour sauter mes brebis. Alors, je vais voir mon voisin. Le père Bob, et je lui demande, toi qui as un troupeau, tu ne pouvais pas me prêter un mâle pour saillir mes brebis. Et il me dit, mais moi, j'ai plus de mâle, non. J'ai plus de mâle. Ils sont tous partis. J'ai plus de mâle, j'ai que des brebis. Mais comment tu fais ? Je le fais moi-même. Ah bon, comment ça ? Ben voilà, c'est très simple. Tu te fais les brebis. Le lendemain, tu regardes. Les brebis qui sont au soleil, c'est celles sur lesquelles ça tient. Et elles vont te faire des petits. Les brebis qui sont à l'ombre, il faut que tu les remettes un coup. Parce que sinon, c'est pas bon. Bon. Ouais. Bon, le soir même, je rentre chez moi. Je dis à ma femme, je descends fumer une clope. Et t'as arrêté de fumer depuis 15 ans. Je m'en fous, je reprends. Je charge les brebis dans la camionnette. Mais il n'y a pas de mais. Allez. J'amène tout ce petit monde dans la carrière. Et tac, tac, tac. Il y en a une qui est bonne. Tiens, celle-là, je la refais. Tac, tac. Voilà. Je ramène tout le petit monde. Le lendemain matin, je me lève, je regarde par la fenêtre et là, il y a une brebis au soleil. Ah. Oh putain, là. Le lendemain soir, je dis à ma femme, je vais promener le chien. Ben, le chien, tu l'as flingué à la chasse il y a 15 jours. J'en ai pris un autre. Je charge les brebis dans la camionnette. Mais je vous ai déjà dit, fermez votre gueule. Mais alors, top, la clairière. Clac, clac, clac. Le chien aussi ? Non, le chien, il était plus là. Là, non, le lendemain, le chien, il prend les photos. Je regarde et là, j'ai 5 brebis au soleil. Ah. Et là, pendant une semaine, tous les soirs, la camionnette... La clairière, les brebis, clac, clac, clac. Et au bout d'une semaine, forcément, c'est plus de mon âge, j'ai pu me lever. T'es pu. Je pouvais plus. Là, c'était pas possible. C'était plus fort que j'étais crevé. Alors, j'appelle ma charmante épouse, Françoise. Elle s'appelle Françoise. Ah, un petit nom très sympathique. Mais on l'appelle F. Voilà. Françoise. Ouais. Tu peux me rendre un petit service. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux aller à la fenêtre et tu peux regarder à la fenêtre ? Alors, elle y va, oui, alors. Bon. Alors, est-ce que tu peux me dire combien j'ai de brebis au soleil et combien j'ai de brebis à l'ombre ? Il y en a zéro au soleil et il y en a zéro à l'ombre. Et comment ça ? Où sont mes brebis ? Tes brebis, elles sont dans la camionnette et il y en a une devant qui klaxonne. Moi, j'en peux plus de cette histoire. C'est la première fois qu'il la raconte. Oui. C'est comme Maurice, j'ai des best-of. Alors, ça se passe au paradis. C'est Saint-Pierre qui voit arriver trois types qui sont morts dans le même accident de moto. Il y a eu une collision, tous les trois. Et il est de coutume au paradis de distribuer pour circuler dans le paradis des moyens de locomotion en fonction de ce qui plaît à chacun. Mais c'est fonction aussi de ce qu'on a gagné sur Terre, si on a été bien, oui. Si on s'est bien comporté. Alors il dit, Saint-Pierre, il dit, bon alors toi Jean-Marc, t'as pas eu une conduite très exemplaire pendant ton mariage, tu as trahi ta femme 7 fois, tu auras donc une 125 comme moto. Alors toi, Bernard, tu as fréquenté 3 femmes hors mariage. C'est moins grave. Tu auras une Harley 883. Quant à toi, Patrice, très bien, bravo. Pas de relation avant le mariage, pas un seul écart de conduite. En 25 ans, tu auras une BMW R1200C, le top du summum. Formidable, magnifique. Quelques années passent. Et la femme du fameux Patrice arrive au paradis. Et Patrice vient voir Saint-Pierre, il dit ça va pas, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et Saint-Pierre lui dit comment ça, t'es pas content de ta BMW R1200C? Si, c'est pas ça, mais c'est ma femme, vient d'arriver, elle est sur une mobilette. C'est parce que t'as pas fait le bon accent pour Saint-Pierre. C'est ça. Bonsoir, n'est-ce pas? Je vous présente ma fille. Oui, bonsoir, n'est-ce pas? Il y a aussi des imitations. Oui, il y en a, aussi. Alors, Guillaume Meurice a eu le temps de préparer sa petite blague. Alors, j'ai préparé, toujours issu de donc, ce recueil. Il y a 1000 blagues hein, absolument incroyables. Alors, ces trois petits vieux dans une maison de retraite qui discutent. Le premier dit « Moi, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est d'aller faire pipi. » Le deuxième « Ah ben non, moi, c'est de faire caca plutôt. » Le troisième répond alors « Moi, la première chose que je fais le matin, c'est pipi et caca en même temps. Et ensuite, je me lève. Oui. Ah, je voyais Maurice opiner du chef. Tu connais, hein ? Non. Je ne visais personne, bien évidemment. Alors, sache une chose, c'est qu'en fin d'émission, toutes les semaines, Frédéric nous le sort. Ah oui. Non, son petit quiz. Je te rassure. T'es juste à côté. Donc, chez vous, papier, crayon, juste après cette courte pause, vous allez jouer avec nous et Guillaume Meurice grâce au petit quiz musical de Frédéric Coster. Restez avec nous. Voici cette courte pause. Retour, on va se marrer avec Guillaume Meurice, actuellement au théâtre de 10h, tous les mercredis à 21h30. Et en province. Allez, vas-y. Alors, c'est guillaumemeurice.fr. Très bien. Et la page Facebook. Facebook. Et la page Facebook, c'est quoi? Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est pareil. Non, Guillaume. Guillaume Meurice. Voilà. Donc, chaque semaine, Frédéric... Oui. Nous prépare son petit quiz. Et oui, et donc 8 extraits de chansons, il faut découvrir l'interprète. Alors je le dis pour Bob, comme d'habitude, il y en a des très faciles. Il y en a 8. Il y en a des un peu moins faciles. Il y en a que tu trouveras pas, cherche pas. Ah, merci. Et j'essaye de faire chaque semaine, si je le peux, un quiz en rapport avec notre invité. Le personnage de Guillaume que l'on connaît, qu'on a vu sur Internet, etc., c'est la mort. Oui. Donc c'est un quiz en relation avec la mort. Il y a 8 chanteurs et chanteuses à découvrir. Qui chantent la mort. Qui chantent, qui parlent de la mort. D'accord. Dans leurs chansons. Mais ils sont pas tous morts. Pas tous. Pas tous. Bob, le premier extrait, tu le connais déjà. Ah bon ? Oui. Maurice. Ah oui, c'est le jingle. Ah oui, c'est le jingle. Allez, on note. Il est mort. Il est mort, le soleil. Où s'en vont ? Où s'en vont ?